C'est Christine Bernard que vous retrouvez sur l'antenne de France Culture pour la première partie d'une histoire particulière. France Culture, l'esprit d'ouverture. France Culture présente Price de Steven Tezich, mise en scène par Rodolphe Dana. Dans une banlieue de Chicago des années 60, la vie d'un jeune garçon se trouve bouleversée par la maladie de son père et la force dévastatrice d'un premier amour. En adaptant le roman autobiographique de Steve Tezich, Rodolphe Dana porte à la scène ce récit sur l'innocence perdue d'un adolescent confronté à la brutalité des adultes. Price, du 16 novembre au 2 décembre, au Théâtre de Gennevilliers. Un partenariat France Culture. France Culture, Christine Bernard. Une histoire particulière. Et voilà, il est l'heure. Une nouvelle histoire va commencer. Deux épisodes, le premier c'est maintenant. Vous connaissez la ville de Montargis ? Nous y allons avec Catherine Escrive et Rafik Zénine qui vont nous faire une singulière visite en longeant le loin. Au numéro 6 de la rue Gambetta, il y a l'hôtel de ville. Au 15 de la rue Raymond Tellier, le musée historique de l'amitié franco-chinoise. En octobre dernier, mois de la gastronomie, on pouvait déguster les fameuses pralines de Montargis. Il paraît que le chocolat y était également roi. Pavé montargois, venisette, amanda, mirabeau. Ça tombe bien, les mercredis matins et samedis toute la journée, c'est jour de marché, place Giraudet. Espérons qu'il ne pleuve pas. Montargis, après nous le déluge, sous la vague. Rafik Zénine, Catherine Escrive. Le 31 mai 2016, de violentes inondations frappent le centre de la France et plus particulièrement le Loiret. Dans ce département, 206 communes sont submergées. Toutes les routes sont fermées. Les automobilistes sont encerclés par les eaux. Les militaires interviennent pour les secourir. C'est sur la ville de Montargis, sous-préfecture du Loiret, que les inondations s'acharnent. En quelques heures, la ville est entièrement submergée. Lorsqu'ils se souviennent de ces violentes inondations, les habitants évoquent des images de films catastrophes. Privée d'électricité, la population restera plongée dans l'obscurité pendant plus de 3 jours. Une ville piégée, sous la vague. Tout le département avait fait l'objet, si vous voulez, d'importantes précipitations. Je crois qu'il était tombé un peu plus de 100 mm, vous voyez, en 24 heures, dans la nuit du 31 mai au 1er juin. Donc de l'eau, il y en avait absolument partout sur la totalité du département. Et 327 communes, 238 communes impactées lors des inondations. Donc c'est vous dire que le département du Loiret avait fait l'objet d'une concentration d'une pluviométrie absolument exceptionnelle. Jamais vue, jamais connue. Lieutenant-colonel Vincent Neuzan, quel a été votre rôle finalement pendant tous ces jours, votre fonction précise ? Alors bon, dès l'occurrence des événements, il s'est agi de mettre en place un poste de commandement avancé et j'ai eu la charge de toutes les opérations sur le secteur est du département et plus particulièrement dans la vallée du Loing et de l'Ouane. Donc mon poste de commandement était installé, si vous voulez, au centre de secours principal de Montargis, Villemandeur, et nous avons œuvré là pendant plus de 3 semaines pour mener à bien toutes les opérations qui ont dû se faire sur ce secteur considéré. Alors là, nous arrivons à la polyclinique de Montargis, qui était entièrement, si vous voulez, sous les eaux. On avait plus de 10 000 mètres cubes d'eau estimés à évacuer dans les sous-sols de cette polyclinique. Voilà, c'est... On avait donc, je crois, 63 patients, c'est ça, 63 patients, une vingtaine de personnels. Quant à l'EHPAD de Montargis, c'est quand même 83 résidents que nous avions évacués et également une vingtaine de personnels. On avait des résurgences. L'eau sortait sous pression par tous les réseaux d'eau, si vous voulez. Et tout cela était absolument recouvert d'eau, hein, puisqu'on n'y accédait qu'en barque. Hein, et les gars avaient à peu près 60 à 80 cm d'eau à partir des jambes, voyez-vous. Donc vous imaginez, ils rentraient quasiment en bateau, si vous voulez, dans l'entrée du hall de la polyclinique. Donc, ils mettaient les gens dans les bateaux. Donc un bateau était conçu pour recevoir un brancard où les patients étaient allongés et donc étaient escortés par 3 ou 4 plongeurs qui étaient chargés de transporter la victime jusqu'au bar des rallyes pour que là, il soit mis en condition par les médecins et les équipes médicales qui étaient en place. Et donc de là, ils étaient évacués dans les destinations qui étaient effectivement préconisées. Alors, il y a eu tout de même une victime, une seule, qui est à déplorer. C'est une victime de trop, mais seulement une, on pourrait dire. Seulement une, qui malheureusement, et pourtant nous savions qu'une dame manquait à l'appel. Bon nombre de fois, les secours ont été visités, les appartements de la dite victime, sans avoir pu trouver qui que ce soit, puisque de toute façon, les eaux l'avaient emporté quand même quelques maisons plus en aval. On se dirige vers le rallye, on les attend. Je crois qu'ils nous attendent là-bas. Face, voilà, le rallye est juste en face, vous voyez. Donc les bateaux là prenaient en charge les victimes et allons-y, c'était parti. C'était parti parce que tout cela, vous voyez, toutes ces rues là, jusque au niveau du boulevard Paul Baudin, eh bien tout cela était inondé. Alors, vous imaginez, on avait quand même des hauteurs d'eau assez impressionnantes là, puisque je vous disais entre 50 et 60 cm d'eau au niveau des jambes. Donc c'est terrible. Mais j'ai entendu dire que dans le centre-ville, c'était monté jusqu'à 2 mètres à certains 1,60 m, voilà. On va dire 1,60 m, la rue de Vimory, précisément où il y a eu la victime, là, 1,60 m d'eau, voilà. Mais des marqueurs avaient été mis en place au moment de la fameuse crue centennale de 1910, puisque c'était jusqu'alors notre crue de référence. Et nous sommes passés 50 à 70 cm au-dessus des marqueurs qui avaient été alors mis en place. Vous imaginez un peu la violence de ces inondations en 2016. Oui. Vous êtes où, là? Ouais. D'accord. Vous quittez... Bon, eh bien, moi, je suis... Nous sommes à la clinique de Montargis, tu vois, là. Et donc, on remonte, on reprend la rue, la rue de la Quintaine, pour aller vers le rallye. Donc, au rallye, sans doute. Ok. Un peu comme Venise, le charme en moins, c'est ce que vit la ville de Montargis dans le Loiret en raison précisément des inondations qui touchent le département. Le Loing est sorti de son lit, on l'a dit, suite aux fortes pluies des derniers jours. Ce matin, son niveau s'est stabilisé, mais la situation reste évidemment très compliquée. Une partie du centre-ville est sous l'eau. En direct avec nous de Montargis, notre envoyé spécial. Bonjour Solène Lehen. Bonjour. Oulala, on entend l'eau, alors décrivez-nous la situation. Eh oui, alors depuis tôt ce matin, les habitants sinistrés qui ont passé la nuit chez des amis de la famille reviennent constater les dégâts. C'est le cas de Cécile Bourgon, son cabinet d'avocat est sous les eaux. J'ai vérifié que ce n'est pas encore monté cette nuit parce qu'on est venu hier soir à 11h, mais apparemment ça n'a pas monté. Ça n'a pas beaucoup descendu, mais ça n'a pas monté. Tout le sous-sol est envahi, à peu près 1,50 m d'eau, donc plus d'électricité. Enfin, tout le matériel informatique a été monté à l'étage, c'est la seule chose qu'on a eu le temps de faire. Et puis donc voilà, il n'y a plus d'activité, il n'y a plus rien. Et je pense que le tribunal a été évacué, donc c'est une journée morte à Montargis en tout cas. Les commerces, les écoles, le commissariat, les administrations sont encore sous l'eau. Le niveau baisse très doucement et les habitants contraints à l'inactivité. Activités contraintes d'attendre une baisse des eaux significative envahissent depuis ce matin le centre-ville. Un centre-ville devenu par la force des choses piéton. C'est une atmosphère vraiment très particulière. Sous un soleil timide, des rues remplies de badauds en short, en bottes, en cuissardes qui se promènent, qui viennent constater et qui prennent des photos comme le fait Jean. Oui, j'en prends 2 ou 3 pour comparer à celle que j'ai fait hier. Parce que c'est la première fois que j'en vois autant d'eau. C'est plus qu'impressionnant. Ça fait même mal au cœur pour les gens qui habitent autour. Je me mets un peu à leur place. Le maire estime que 3000 Montargois sont aujourd'hui sinistrés, soit un habitant sur 5. Jean-Pierre Dor demande que l'État reconnaisse la commune en état de catastrophe naturelle. C'est vous, commandant Patrick Morin, qui avez été beaucoup là, aux alentours de la clinique, pour ce fameux sauvetage. Oui, je fais partie des premiers intervenants sapeurs-pompiers qui arrivent sur place. Effectivement, la rue que vous avez devant vous était complètement, complètement sous les eaux et elle ne permettait pas aux équipes sans équipement particulier, en tout cas, de rejoindre la clinique. La clinique se retrouvait complètement isolée. Donc j'étais le premier spécialiste en secours nautique à me présenter. Donc moi j'ai pu faire jonction avec les personnels de la clinique en progressant avec quelques difficultés au départ dans la rue. Il y avait certains passages avec du courant au niveau des portails et puis le danger des plaques d'égout en pareille situation qui peuvent se lever et qui sont en fait invisibles et qui présentent de véritables pièges. Donc j'ai progressé jusqu'à la clinique, j'ai pu faire jonction avec les équipes médicales et puis les premiers patients qui étaient dans le hall d'entrée. Et à partir de là, on a établi un lien radio avec le commandant des opérations de secours, le commandant Bruno Terré, et on a pu ensuite s'organiser pour mettre en place l'évacuation. Alors le lieutenant-colonel nous l'a un peu expliqué, il y avait des barques, et ces barques remontaient vers ici. C'est ça, c'est-à-dire qu'en fait on a mis une quinzaine de sauveteurs aquatiques sont venus et donc on a organisé une véritable noria avec plusieurs barques pour acheminer l'ensemble des patients et le personnel médical. Alors certains étaient totalement valides et donc en soi ils pouvaient être assis sur les barques, d'autres nécessitaient des évacuations allongés, d'autres en fauteuil, donc en position intermédiaire. Donc ça a été toute la difficulté de la chose. Rajoute à ça, je vous dis, certains passages avec le courant, etc. Et donc ça s'est un petit peu étalé par le temps, mais on a dû surmonter toutes ces difficultés. Donc je suis le commandant Bruno Terré, je suis chef de centre du centre de secours principal de Montargis-Villemandeur et j'ai été responsable d'un certain nombre d'interventions, et notamment l'intervention concernant l'évacuation de la clinique de la Quintaine à Montargis. Donc ma première reconnaissance m'a permis de voir qu'effectivement la brasserie, le rallye était ouvert. Et avec le médecin qui m'accompagnait, nous sommes venus nous assurer qu'il était possible de récupérer et de concentrer l'ensemble des évacués sur le rallye. Et donc la patronne de la brasserie nous a accueillis sans aucune difficulté. Donc nous avons pu récupérer, grâce au commandant Morin qui se trouvait à la clinique et avec les norias dont il vient de vous parler, nous avons réussi à rassembler tous les évacués au niveau de la brasserie Le Rallye. Et ensuite, les ambulances que nous avions concentrées sur l'avenue, au fur et à mesure de leur arrivée, prenaient en charge les évacués localisés au Rallye et nous les dirigions ensuite vers le centre hospitalier de Montargis. Bonjour madame, c'est Angelina ? Oui, tout à fait. On est venu avec les pompiers que vous devez connaître. Oui, en santé, oui, je pense. Mais bon, ce jour-là, on était tellement débordés par les événements. Justement, quel souvenir vous avez de ce jour-là ? Comment ça s'est organisé pour vous ? Vous étiez déjà, vous, envahi par les eaux ou pas ? Non, j'ai eu de la chance, c'est que je n'ai pas eu d'eau ici. À la cave, il y a eu 1,50 m. Mais ici, je n'ai pas eu. Jusqu'à 11h, oui, j'ai eu peur parce qu'ils avaient prévu que ça dépasse le pont et ensuite on serait envahi. Et moi, j'avais une quarantaine à cinquantaine de malades ici. C'est-à-dire que ça s'est transformé en hôpital improvisé l'hôpital. Ici. Je sais pas. Les pompiers, ils me les ramenaient et moi, je m'en occupais. À servir de chaud. Très rapidement, quand donc je me suis présenté sur les lieux, qu'on a fait le point avec le commandant Morin, je suis venu voir madame pour lui demander si elle était en capacité de nous accueillir de manière à regrouper les évacués et ensuite les diriger vers le centre hospitalier. Madame a très gentiment accepté de nous recevoir et je pense que les malades ont été bien pris en charge ici. On était seuls. On n'a pas eu d'aide de personne, malheureusement. Donc, il n'y avait plus de table, il y avait des lits partout. Voilà, des lits, des chaises, des fauteuils roulants, une dame qui venait d'être opérée de la colonne vertébrale. On faisait ce qu'on pouvait. Hein. Pour moi, c'était logique. Il ne fallait pas chercher à comprendre. Il fallait les aider. Parce que eux, les premiers, les malades, ils avaient peur. Ils avaient peur que, qu'est-ce qu'ils allaient devenir, ni les familles, il n'y a pas tous ces biens arrangés. Donc vous les serviez aussi, s'ils avaient soif. Mais gratuitement. Hein, ça, c'est un service que je donnais en plus. Voilà. Ouais, Montargis a la particularité, elle est surnommée la Venise du Gâtinais. cette appellation, c'est, derrière cette appellation, c'est que vous avez un réseau hydrographique en fait qui traverse toute l'agglomération, qui est très conséquent. On a de très nombreuses, on appelle ça les rues sur l'eau. L'eau passe également sous une partie, sous les habitations, sous les maisons. Donc en fait, on va attendre nos collègues pompiers qui passent. Justement, voilà. Donc je reprends mes propos. Je reprends, donc, Montargis est une ville qui est construite sur d'anciens marais, sur des cours d'eau, voilà, donc toute cette eau-là, à ce moment-là, est sortie de ces passages habituels, et donc tout le centre-ville s'est retrouvé sous l'eau. On a du mal à imaginer, un an après, si on se place derrière vous, là, ne serait-ce que la place principale de Montargis derrière vous, on a vraiment du mal à imaginer l'eau, il y a un an, par rapport à ce qu'on peut voir aujourd'hui avec les fleurs, les gens qui vaquent à leurs occupations. C'est vraiment difficile à imaginer. Oui, tout à fait. Moi, je n'avais plus rien, je ne pouvais plus travailler, vu que tous mes moteurs... C'est en cave, tous mes appareils c'est en cave, et donc tout était inondé. Et je pouvais faire que du café en petite machine, et voilà. Mais j'ai réussi à servir le lendemain des repas parce que les personnes ils n'avaient plus rien. En fait, il y avait des gens qui chez eux ne pouvaient plus faire de courses, donc ils venaient chez vous. Ils venaient, le repas, bon, ils mangeaient ce qu'il y avait parce que j'avais plus rien. Voilà, j'allais faire mes courses le matin rapide pour servir les clients. J'ai réussi à sauver mon tabac, c'était le plus important. Là, c'était l'angoisse qui montait, qu'est-ce qui va se passer? Mais bon, hop, tout s'est bien terminé, tout est mis en route, hop. Tout est matériel, rien d'autre. Merci, voilà. Hein. Derrière, vous voulez un petit café? Moi, je veux bien, ouais. Oui. Oui, café. Bah, c'est gentil. Allez, volontiers. Oui. Ça, c'est la dernière étape de notre parcours dans la ville qui nous amène au plus près du musée Giraudet. J'aimerais que vous nous décriviez le lieu précis où on se trouve et la manière dont cet hôtel de l'agglomération a été inondé. Alors, le musée Giraudet devant nous, qui occupe aussi la place pour partie de l'ancienne mairie de Montargis, eh bien, se situe justement entre, d'une part, le canal, d'un côté, et puis un bras de la rivière Le Loing, vraiment entre les deux, hein, il est complètement encadré. En face du musée, eh bien, vous avez le siège de l'agglomération montargoise, qui est un ancien bâtiment qui, auparavant, était occupé par une banque. Il se trouve qu'au moment des événements, en tout cas depuis pas mal de temps, le musée en fait traverse un événement historique pour lui, puisqu'il est en travaux, il subit d'importants travaux, le musée, et donc on s'est retrouvé avec des œuvres qui étaient stockées ailleurs que dans ce bâtiment, et en l'occurrence dans les sous-sols du siège de l'agglomération montargoise. Voilà, donc là, à l'endroit où nous nous trouvons, nous avions les pieds dans l'eau. Voilà. Pendant que tous sont à pied d'œuvre, en surface, pour affronter les inondations, les habitants de Montargis ne savent pas encore qu'un autre naufrage est en train de se dérouler, en silence, sous leurs pieds. Les collections du musée Giraudet, conservées dans une discrète réserve en sous-sol, ont été elles aussi submergées. Près de 5000 œuvres sont désormais de véritables naufragés. Pascal Gardès est responsable du musée Giraudet. Les premières heures, quand vous découvrez ce lieu, vous découvrez quoi ? Des armoires renversées, des bustes cassés, qu'est-ce que vous découvrez ? Alors oui, en effet, c'est un véritable, c'est un peu le terme que j'ai utilisé lorsque j'ai contacté mon adjointe Sidonie Lemefretto. Je lui ai dit, Sidonie, attendez-vous à voir un immense mikado. C'est-à-dire que cette réserve qui était très organisée devient un lieu où tout s'enchevêtre, les toiles, les étagères sont renversées, les vitrines extrêmement lourdes sont totalement sans dessus dessous, et c'est un peu comme si vous aviez une collection complète qui était placée dans un immense tambour de machines à laver, et tout a été complètement remué. Parfois, certaines œuvres qui étaient à un angle, on les retrouve à l'angle opposé. Enfin, véritablement un cataclysme, une vision assez cataclysmique de cette réserve qu'on avait abandonnée, rangée et organisée. Oui. Sidonie Lemefretto, je suis chargée de la valorisation des collections au musée Girodet à Montargis. Alors, au moment où Montargis est encore sous les eaux, Sidonie Lemefretto, vous vous trouvez à Paris et vous lancez un appel devant une assistance de restaurateur. Dans quelles circonstances lancez-vous cet appel ? Alors oui, je suis en effet à Paris parce que je fais du télétravail, donc je suis essentiellement dans les bibliothèques, les archives parisiennes. Et au moment de l'inondation, il faut comprendre que toute la ville était bloquée, plus d'électricité, donc batterie de téléphone à plat, etc. Très difficile de communiquer. Pour le compte de Pascal Gardès, j'écris en fait à nos tutelles pour les avertir de ce qui vient de se passer. Et un conservateur nous répond en me disant « Mais écoutez, Sidonie, je pense qu'il faut que vous veniez. Il y a un congrès de restaurateurs qui se tient en ce moment à la Bibliothèque nationale de France. Venez, lancez un appel à l'aide et vous serez entendus. » Et je suis immédiatement entendue, même si je n'ai pas parlé anglais et que c'était international. Et oui, tout un petit groupe de restaurateurs est venu tout de suite me voir à la sortie donc de la conférence. C'était assez merveilleux parce qu'on sentait déjà une grande solidarité, ce qui est sans doute une des forces de ce métier, de fil en aiguille des numéros de téléphone, des noms, contacter un tel, et c'est ce qui, en fin de compte, nous a sauvés. Au fil des heures, le flot s'amplifie, submergeant les rives et progressant inexorablement sur les chaussées et terrains contigus. À la mi-journée, quelques infiltrations constatées en bordure de berge ne présagent aucunement de l'irruption des eaux, et l'activité humaine s'y poursuit, insouciante des risques encourus. L'œuvre de l'eau vient pourtant d'achever son travail de sape sur le canal, qui, rompu en amont de Montargis, déverse son flot, volumineux et brutal, sur la rivière en crue. Pascal Gardès. Vous avez écrit un texte sur votre découverte des lieux, justement le jour de l'inondation. Dans quel état d'esprit arrivez-vous ici et que découvrez-vous ? Quelle vision avez-vous ce jour-là ? Alors, le jour de l'inondation, nous sommes plutôt dans l'action, c'est-à-dire que les œuvres qui étaient en effet stockées dans ce lieu... Hein, ce lieu qui était cloisonné, il faut le revoir dans un tout autre contexte, sont des le jour de l'inondation, le 31, nous sauvons les œuvres. Donc nous évacuons le maximum, en particulier bien sûr les œuvres de Girodet, les œuvres qui sont le plus facilement transportables, sachant que les escaliers commencent à être envahis par l'eau. Nous sommes dans le noir, nous travaillons à la frontale parce que tout a été coupé avec la rapidité du sinistre et de l'inondation. Par contre, la découverte véritablement de ces réserves après l'inondation, il faudra attendre 3 jours, les 2 jours de pompage, et c'est véritablement le vendredi soir seulement. L'inondation avait eu lieu le mardi. C'est le vendredi soir que je découvre en effet les dégâts occasionnés par cette inondation et cette immersion. Il faut bien parler d'immersion, puisque non seulement toute la salle des coffres, mais une partie de l'étage qui est au-dessus a été complètement envahie par l'eau. Le 31, donc je sais, voilà, en une fraction de seconde que la salle des coffres va être immergée. Et donc, dès que les étages ont commencé à être pompés, c'est-à-dire l'étage du dessus, au moins, celui des finances, nous avons très vite nettoyé. Nous sommes allés chercher du matériel qui était dans un entrepôt et qui était propre pour organiser tous les plans de travail pour le sauvetage dont on ne connaissait pas la date. Il fallait que cette masse d'eau soit pompée. Et finalement, bon, tout était prêt pour le samedi matin, puisque le pompage s'est achevé le vendredi soir. Et donc là, tout était prêt dans ces salles temporaires, ou même des grandes salles comme la salle communautaire du conseil communautaire a été utilisée très longtemps comme un espace de séchage de toute la collection d'art graphique. Donc voilà, on a organisé les espaces administratifs pour accueillir des œuvres qui allaient être remontée à partir du samedi, puisque après, très vite, on a su que le samedi, ces opérations allaient être faites. Ce qui est remarquable quand même, c'est le grand mouvement de bénévoles qui sont arrivés. Il faudrait que vous nous racontiez ça. Qui vient vous aider au bout de ces trois jours d'inondation ? Il y a eu cette chaîne et ce rapport finalement des restaurateurs qui se sont organisés pour intervenir dès qu'il était possible. Bien sûr, on ne les a pas fait intervenir alors que nous pompions encore les espaces, mais se sont organisés et le samedi, dès que nous avons pu commencer à accéder, nous avions une dizaine ou une quinzaine de restaurateurs. Donc au total, sur le mois et les 15 jours et les 15 premiers jours qui étaient les plus critiques, et ensuite sur la veille technique, nous avons eu plus de 50 restaurateurs, toutes techniques confondues, peinture, cadre, dessin, art graphique, ethnographie, qui sont venus bénévolement nous aider, assurer la veille technique, apporter les premiers soins à toute cette collection. Et encore maintenant, je ne cesse de le répéter, grâce à tous ces restaurateurs qui sont venus régulièrement, la collection a été sauvée. Elle est à restaurer, il y a encore un énorme travail à faire, mais leur intervention a été déterminante pour sauver en effet toutes ces collections. Cette collection qui a été constituée vers les années 1850, donc pour le premier noyau, est une collection essentiellement beaux-arts, avec bien sûr des œuvres qui sont peintures, sculptures, objets d'art, un peu d'ethnographie, de l'archéologie, et essentiellement axé sur cette période qui va de 1789 à fin 18e, début du fin du 19e jusqu'en 1874 avec les œuvres de Tricchi. Cette chronique n'est que la première étape d'une longue traversée sur la route d'un nouveau chantier des collections. Les écueils sont nombreux de la restauration d'œuvres à la présentation du parcours muséographique. L'immersion totale et relativement longue d'objets très divers constitue autant de défis à relever, signaler et transmettre. Le passé est comme la distance, écrit Buffon. Notre vue y décroît et s'y perdrait même, si l'histoire et la chronologie n'eussent placé des flambeaux aux points les plus obscurs. Pascal Gardès. La traversée, elle est terminée pour vous ou elle se poursuit ? Elle se poursuit. Elle s'en poursuivra encore pendant plusieurs années. Oui, plusieurs années. Alors, cette traversée, elle va avoir des étapes. Bien sûr, là, nous sommes sur l'étape de restauration, de lancement de marché pour la restauration. Il va y avoir en effet une autre étape qui va être celle de la muséographie. Mais c'est une traversée qui va être très longue et que peut-être les personnes qui me remplaceront, mes successeurs poursuivront, parce que c'est aussi tout un travail de réflexion sur une collection qui a subi un sinistre extrêmement important toute une réflexion sur en effet cette collection même. Quelle est maintenant la vision que nous avons de cette collection par rapport à celle que nous avions de cette collection avant le sinistre. Voilà, il y a aussi toute une réflexion importante. Montargis, après nous le déluge. Avec le lieutenant-colonel Vincent Neuzan, le commandant Bruno Théré et le commandant Patrick Morin, Angelina, Sidonie Lemeufretto et Pascal Gardès. Prise de son, Yann Fressy. Documentation INA, Amélie Briand-Lejeune et Sabine Dahuron. Texte lu par Doria Zénine. Mixage, Alain Joubert. Coordination, Christine Bernard. Un documentaire de Catherine Escrive, réalisé par Rafik Zénine. Voilà, c'était la fin du premier épisode. Vous retrouverez la suite du documentaire Montargis, après nous le déluge, demain, dimanche, à 13h30.